ce matin c'est taille. Je me lève tôt plutôt que d'habitude. La gueule dans le sac, il va faire peau comme un Malibu. Alors je me passe un couteau parce que ma tête chauffe comme la thèse, comme la merde devant la fête foraine. Genre père de Stan Smith, sur vêtements noirs, t-shirt long, serré bleu ciel pour faire style. Et je marche seul, tout comme d'hab de boussole. Les soucis s'arrangent alors mes ongles s'allongent pas à bout de seul. Sur ma route, je croise un poteau. Check, bien, bien, frelon, c'est quoi les tiens? Tu connais au fait combien ça me meuge? Viens à l'heure, gros, je verrai si j'ai chose qu'elle. Pour l'instant, je pense à mamie faire des gros souffert, des gros chèques. Si c'est à des mots ce soir, même pas comme d'hab. Vas-y, vas-y, c'est ça, même pas, même comme pack. Ce matin, c'est taille, je dois faire de la thune en masse. Je veux mon cocktail, ma plage, plus vendre, ça pue l'angoisse. Ça y est, je suis devant la gare, je mets mes lunettes de vue pour passer pépère les contrôles ferroviaires. Que faire de plus? Si n'attend de l'arrêt de ma destination. Corbeil, je vais dans mon ancien quartier, dans cette terre de lévitation. Je passe deux, trois patrouilles, mais fuck que je suis déterminé, ma vie c'est soit je suis bien, soit je meurs sous le bloc. J'ai rendez-vous avec un fantôme pour mon Loki. Ma parano fiche chaque cas que je passe en route est analysé au script. Tout pour la monnaie, pour le bis c'est la night. Tout pour la mode, pour la mif et la manne. 91 et mec on n'oubliera jamais. Les cris, l'enfance, les coups de poignard après les combats. C'est tout pour la monnaie, pour le bis c'est la night. Tout pour la mode, pour la mif et la manne. 91 et mec on n'oubliera jamais. Les cris, l'enfance, les coups de poignard après les combats dans la rue. Ok, fais voir les pailles, j'espère que c'est du crasse et du pont. C'est la thune, bon, bon, bon, ça a l'air du bon. Alors hop dans le sac, on y va, le stress m'envahisse jusqu'au crâne, jusqu'aux fesses. Prends le chemin du retour, recouvre mon zen des lunettes, du coup la corde au poule, je redoute la horde de poule. Je suis dans le train pépèrement, mais le sac loin de moi. Au cas où ça merde, au cas où les chiottes sont pas loin de moi. Je peux dire que les gens je les calcule pas. Bon me regarde, même pas, je lui parle. Dans le crâne, y'a plus de place. À mi-chemin, le stress est parti. Pourtant y'est ma, c'est ma vie qui joue dans ce putain de scénario classique. J'arrive, ok, faut faire vite, vite, ok. Disloqué, mais j'entends. Monsieur, vos papiers sont vous merde. C'est bon, j'ai compris, faut tracer. Le comique qu'on m'a pris en chasse, filoché comme un apache. J'suis dans le pétrin, j'pense à l'ami, fait dans le fait accompli. J'garde les pailles, nique leur mère à ses chétards. Y'a plus le temps à perdre, y'a plus le temps de faire. J'vois des bâtiments, j'y rentre fait. J'ouvre l'ascenseur, le coin, s'il lâche le sac. Le referme pour pas qu'il crie ses keufs, ses bâtards de rats. J'ressors plaquage, sur le sol le bagage. Il est où ton cul à deux doigts du sabotage? C'est pour la monnaie, pour le bis c'est la night. Tout pour la mode, pour la mif et la manne. 91 et mec on n'oubliera jamais. Les cris, l'enfance, les coups de bonheur après les combats. C'est tout pour la monnaie, pour le bis c'est la night. Tout pour la mode, pour la mif et la manne. 91 et mec on n'oubliera jamais. Les cris, l'enfance, les coups de bonheur après les combats. 48 heures de cartable, en mode d'interrogation. Pourquoi t'as couru, t'as 20 sacs? Nous parle pour j'garde tes bons cas. 2-3 insultes fussent ta pète, 2-3 claques me rusent la tête. Vu que je la mets à l'envers au stup daté. J'entends des échos comme quoi le sac aurait été retrouvé. Peur de couler, j'suis pas loin du dépôt. Les poulets font tout pour me faire pas. Fais pas voir, y'ont pas le bac et tu veux blaguer bavard. Je le suis pas et basta. Si je tombe, j'pense à la mif, à la perte de temps. Soit fleuri, soit freine, on verra bien comment ça merde le temps. Et là, un keuf rentre avec mon sac, le seum putain. Bon, pas fuck, ça pas bon, cœur pas son plein. J'aurais peut-être dû courir plus, c'est sûr. Au pire, fume, c'est jusqu'à ce qu'il me lâche et n'en puisse plus. Au lieu de ça, ça a merdé. Fallait bien que ça arrive au bout de 100 fois sur la ligne du C ou du RERD. Accord, paye sa merde. Juvis dit sa merde. Ivry sa merde. Trop de keufs sa merde. L'appel de l'or, c'est notre vie, c'est en nous, mec. L'histoire, c'est quoi? C'est pour tout, tous. On s'en fout, check. Un lot qui donne que ça. Le jetard, c'est le paille. Mais si je te dis que le sac fait vite, qu'on la rentre casse, ça fait mal. Ça sauve, mais bon, même si on n'est pas tombé. Celui qui a pris le dièse, man, va falloir plomber. Plomber, plomber. C'est tout pour la monnaie, pour le bis c'est la night. Tout pour la mode, pour la mif et la manne. 91 et mec on n'oubliera jamais. Les cris, l'enfance, les coups de bonheur après les combats. C'est tout pour la monnaie, pour le bis c'est la night. Tout pour la mode, pour la mif et la manne. 91 et mec on n'oubliera jamais. Les cris, l'enfance, les coups de bonheur après les combats. C'est tout pour la monnaie, pour le bis c'est la night. Tout pour la mode, pour la mif et la manne. 91 et mec on n'oubliera jamais. Les cris, l'enfance, les coups de bonheur après les combats. C'est tout pour la monnaie, pour le bis et la night. Tout pour la mode, pour la mif et la manne. 91 et mec on n'oubliera jamais. Les cris, l'enfance, les coups de bonheur après les combats dans l'arène.